Deuxième partie, livre troisième, suite. Monsieur le duc de Rovigo, en se frappant la poitrine, prend son rang dans la procession qui vient se confesser à la tombe. J'avais été longtemps sous le pouvoir du ministre de la police. Il tomba sous l'influence qu'il supposait m'être rendue au retour de la légitimité. Il me communiqua une partie de ses mémoires. Les hommes dans sa position parlent de ce qu'ils ont fait avec une merveilleuse candeur. Ils ne se doutent pas de ce qu'ils disent contre eux-mêmes. S'accusant sans s'en apercevoir, ils ne soupçonnent pas qu'il y ait une autre opinion que la leur, et sur les fonctions dont ils s'étaient chargés, et sur la conduite qu'ils ont tenue. S'ils ont manqué de fidélité, ils ne croient pas avoir violé leur serment. S'ils ont pris sur eux des rôles qui répugnent à d'autres caractères, ils pensent avoir rendu de grands services. Leur naïveté ne les justifie pas, mais elle les excuse. Monsieur le duc de Rovigo me consulta sur les chapitres où il traite de la mort du duc d'Enghien. Il voulait connaître ma pensée précisément parce qu'il savait ce que j'avais fait. Je lui sus gré de cette marque d'estime et, lui rendant franchise pour franchise, je lui conseillai de ne rien publier. Je lui dis « Laissez mourir tout cela. En France, l'oubli ne se fait pas attendre. Vous vous imaginez laver Napoléon d'un reproche et rejeter la faute sur Monsieur de Talleyrand ? Or, vous ne justifiez pas assez le premier, et n'accusez pas assez le second. Vous prêtez le flanc à vos ennemis, ils ne manqueront pas de vous répondre. Qu'avez-vous besoin de faire souvenir le public que vous commandiez la gendarmerie d'élite à Vincennes ? Il ignorait la part directe que vous avez eue dans cette action de malheur, et vous la lui révélez. Général, jetez le manuscrit au feu, je vous parle dans votre intérêt. » Imbu des maximes gouvernementales de l'Empire, le duc de Rovigo pensait que ces maximes convenaient également au trône légitime. Il avait la conviction que sa brochure lui rouvrirait la porte des Tuileries. C'est en partie à la lumière de cet écrit que la postérité verra se dessiner le fantôme de deuil. Je voulus cacher l'inculpé venu me demander asile pendant la nuit. Il n'accepta point la protection de mon foyer. Monsieur de Rovigo fait le récit du départ de Monsieur de Caulaincourt, qu'il ne nomme point. Il parle de l'enlèvement à Ettenheim, du passage du prisonnier à Strasbourg et de son arrivée à Vincennes. Après une expédition sur les côtes de la Normandie, le général Savary était revenu à la Malmaison. Il est appelé à 5 heures du soir, le 19 mars 1804, dans le cabinet du premier consul, qui lui remet une lettre cachetée pour la porter au général Murat, gouverneur de Paris. Il vole chez le général, se croise avec le ministre des Relations extérieures, reçoit l'ordre de prendre la gendarmerie d'élite et d'aller à Vincennes. Il s'y rend à 8 heures du soir et voit arriver les membres de la commission. Il pénètre bientôt dans la salle où l'on jugeait le prince, le 21, à 1 heure du matin. Il va s'asseoir derrière le président. Il rapporte les réponses du duc d'Enghien à peu près comme les rapporte le procès-verbal de l'unique séance. Il m'a raconté que le prince, après avoir donné ses dernières explications, ôta vivement sa casquette, la posa sur la table, et comme un homme qui résigne sa vie, dit au président « Monsieur, je n'ai plus rien à dire ». Monsieur de Rovigo insiste sur ce que la séance n'était point mystérieuse. Les portes de la salle, affirme-t-il, étaient ouvertes et libres pour tous ceux qui pouvaient s'y rendre à cette heure. Monsieur Dupin avait déjà remarqué cette perturbation de raisonnement. À cette occasion, Monsieur Achille Roche, qui semble écrire pour Monsieur de Talleyrand, s'écrit « La séance ne fut point mystérieuse. À minuit, elle se tint dans la partie habitée du château, dans la partie habitée d'une prison. Qui assistait donc à cette séance? Des geôliers, des soldats, des bourreaux? Nul ne pouvait donner des détails plus exacts sur le moment et le lieu du coup de foudre que Monsieur le duc de Rovigo. Écoutons-le. Après le prononcé de l'arrêt, je me retirai avec les officiers de mon corps qui, comme moi, avaient assisté au débat. Et j'allais rejoindre les troupes qui étaient sur l'esplanade du château. L'officier qui commandait l'infanterie de ma légion vint me dire avec une émotion profonde qu'on lui demandait un piquet pour exécuter la sentence de la commission militaire. « Donnez-le, » répondis-je. « Mais où dois-je le placer ? Là où vous ne pourrez blesser personne, car déjà les habitants des populeux environs de Paris étaient sur les routes pour se rendre aux divers marchés. Après avoir bien examiné les lieux, l'officier choisit le fossé comme l'endroit le plus sûr pour ne blesser personne. M. Monsieur le duc d'Enghien y fut conduit par l'escalier de la tour d'entrée du côté du parc et y entendit la sentence qui fut exécutée. Sous ce paragraphe, on trouve cette note de l'auteur du mémoire. Entre la sentence et son exécution, on avait creusé une fosse. C'est ce qui a fait dire qu'on l'avait creusée avant le jugement. Malheureusement, les inadvertances sont ici déplorables. M. de Rovigo prétend, dit M. Achille Roche, apologiste de M. de Talleyrand, qu'il a obéi. Qui lui a transmis l'ordre d'exécution? Il paraît que c'est un M. Delga, tué à Wagram. Mais que ce soit ou ne soit pas ce M. Delga, si M. Savary se trompe en nous nommant M. Delga, on ne réclamera pas aujourd'hui sans doute la gloire qu'il attribue à cet officier. On accuse M. de Rovigo d'avoir raté cette exécution. « Ce n'est pas lui, répond-il, un homme qui est mort lui a dit qu'on avait donné des ordres pour la hâter. » Le duc de Rovigo n'est pas heureux au sujet de l'exécution qu'il raconte avoir eu lieu de jour. Cela, d'ailleurs, ne change en rien au fait, n'autre est qu'un flambeau au supplice. À l'heure où se lève le soleil, en plein air, fallait-il, dit le général, une lanterne pour voir un homme à 6 pas ? Ce n'est pas que le soleil, ajoute-t-il, fût clair et serein. Comme il était tombé toute la nuit une pluie fine, il restait encore un brouillard humide qui retardait son apparition. L'exécution a eu lieu à 6 heures du matin, le fait est attesté par des pièces irrécusables. Et le général ne fournit ni n'indique ces pièces. La marche du procès démontre que le duc d'Enghien fut jugé à 2 heures du matin et fut fusillé de suite. Ces mots, 2 heures du matin, écrits d'abord à la première minute de l'arrêt, sont ensuite biffés sur 7 minutes. Le procès-verbal de l'exhumation prouve, par la déposition de 3 témoins, Madame Bon, le sieur Godard et le sieur Bounelet, celui-ci avait aidé à creuser la fosse, que la mise à mort s'effectua de nuit. M. Dupin aîné rappelle la circonstance d'un falot attaché sur le cœur du duc d'Enghien pour servir de point de mire ou tenu à même intention d'une main ferme par le prince. Il a été question d'une grosse pierre retirée de la fosse et dont on aurait écrasé la tête du patient. Enfin, le duc de Rovigo devait s'être vanté de posséder quelques dépouilles de l'Holocauste. J'ai cru moi-même à ces bruits, mais les pièces légales prouvent qu'ils n'étaient pas fondés. Par le procès-verbal, en date du mercredi 20 mars 1816, des médecins et chirurgiens pour l'exhumation du corps, il a été reconnu que la tête était brisée, que la mâchoire supérieure, entièrement séparée des os de la face, était garnie de 12 dents, que la mâchoire inférieure, fracturée dans sa partie moyenne, était partagée en 2 et ne présentait plus que 3 dents. Le corps était à plat sur le ventre, la tête plus basse que les pieds, les vertèbres du cou avaient une chaîne d'or. Le second procès-verbal d'exhumation, à la même date, 20 mars 1816, le procès-verbal général constate qu'on a retrouvé, avec les restes du squelette, une bourse de maroquin contenant 11 pièces d'or, 70 pièces d'or renfermées dans des rouleaux cachetés, des cheveux, des débris de vêtements, des morceaux de casquette portant l'empreinte des balles qu'il avait traversées. Ainsi, M. de Rovigo n'a rien pris des dépouilles. La terre qui les retenait les a rendues et a témoigné de la probité du général. Une lanterne n'a point été attachée sur le cœur du prince. On en aurait trouvé les fragments, comme ceux de la casquette trouée. Une grosse pierre n'a point été retirée de la fosse. Le feu du piquet, à 6 pas, a suffi pour mettre en pièces la tête, pour séparer la mâchoire supérieure des os de la face, etc. À cette dérision des vanités humaines, il ne manquait que l'immolation pareille de Murat, gouverneur de Paris, la mort de Bonaparte, captif, et cette inscription gravée sur le cercueil du duc d'Enghien. Ici est le corps de très haut et puissant prince du sang, père de France, mort à Vincennes le 21 mars 1804, âgé de 31 ans, 7 mois et 19 jours. Le corps était des os fracassés et nus, le haut et puissant prince, les fragments brisés de la carcasse d'un soldat. Pas un mot qui rappelle la catastrophe. Pas un mot de blâme ou de douleur dans cette épitaphe gravée par une famille en larmes. Prodigieux effet du respect que le siècle porte aux œuvres et aux susceptibilités révolutionnaires. on s'est hâté de même de faire disparaître la chapelle mortuaire du duc de Berry. Que de néant ! Bourbons, inutilement rentrés dans vos palais, vous n'avez été occupés que d'exhumations et de funérailles. Votre temps de vie était passé, Dieu l'a voulu. L'ancienne gloire de la France périt sous les yeux de l'ombre du grand Condé dans un fossé de Vincennes. Peut-être était-ce au lieu même où Louis IX, à qui l'on alloua que comme à un saint, s'asseyoua sous un chêne, et où tous ceux qui avoient affaire à lui venoient lui parler sans empêchement d'huissier ni d'autre, et quand il voyoua aucune chose à amender en la parole de ceux qui par loi pour autrui lui-même l'amendoient de sa bouche, et tout le peuple qui avoit affaire par devant lui estoit autour de lui. Joinville. Le duc d'Enghien demanda à parler à Bonaparte. Il avait affaire par devant lui. Il ne fut point écouté. Qui du bord du Ravelin contemplait au fond du fossé ses armes, ses soldats à peine éclairés d'une lanterne dans le brouillard et les ombres, comme dans la nuit éternelle? Où était-il placé le falot? Le duc d'Enghien avait-il à ses pieds sa fosse ouverte? Fut-il obligé de l'enjamber pour se mettre à la distance de 6 pas, mentionnée par le duc de Rovigo? On a conservé une lettre de M. le duc d'Enghien, âgé de 9 ans, à son père, le duc de Bourbon. Il lui dit « Tous les Enghiens sont heureux. Celui de la bataille de Sœur Isole, celui qui gagna la bataille de Rocroi, j'espère l'être aussi. » Est-il vrai qu'on refusa un prêtre à la victime? Est-il vrai qu'elle ne trouva qu'avec difficulté une main pour se charger de transmettre à une femme le dernier gage d'un attachement? Qu'importait au bourreau un sentiment de piété ou de tendresse? Ils étaient là pour tuer, le duc d'Enghien pour mourir. Le duc d'Enghien avait épousé secrètement, par le ministère d'un prêtre, la princesse Charlotte de Rohan. En ces temps où la patrie était errante, un homme, en raison même de son élévation, était arrêté par 1000 entraves politiques. Pour jouir de ce que la société publique accorde à tous, il était obligé de se cacher. Ce mariage légitime, aujourd'hui connu, rehausse l'éclat d'une fin tragique. Il substitue la gloire du ciel au pardon du ciel. La religion perpétue la pompe du malheur quand, après la catastrophe accomplie, la croix s'élève sur le lieu désert. M. de Talleyrand, après la brochure de M. de Rovigo, avait présenté un mémoire justificatif à Louis XVIII. Ce mémoire que je n'ai point vu et qui devait tout éclaircir, n'éclaircissait rien. En 1820, nommé ministre plénipotentiaire à Berlin, je déterrai dans les archives de l'ambassade une lettre du citoyen Laforêt au sujet de M. le duc d'Enghien. Cette lettre énergique est d'autant plus honorable pour son auteur qu'il ne craignait pas de compromettre sa carrière sans recevoir de récompense de l'opinion publique, sa démarche devant rester ignorée. Noble abnégation d'un homme qui, par son obscurité même, avait dévolu ce qu'il avait fait de bien à l'obscurité. M. de Talleyrand reçut la leçon et se tut. Du moins, je ne trouvai rien de lui dans les mêmes archives concernant la mort du prince. Le ministre des Relations extérieures avait pourtant mandé le 2 Ventôse au ministre de l'Électeur de Bade que le premier consul avait cru devoir donner à des détachements l'ordre de se rendre à Offenbourg et à Ettenheim, pour y saisir les instigateurs des conspirations inouïes qui, par leur nature, mettent hors du droit des gens tous ceux qui, manifestement, y ont pris part. Un passage des généraux Gourgaud, Montholon et du docteur Ward met en scène Bonaparte. « Mon ministre, dit-il, me représenta fortement qu'il fallait se saisir du duc d'Enghien, quoiqu'il fût sur un territoire neutre, mais j'hésitais encore, et le prince de Bénévent m'apporta 2 fois pour que je le signasse l'ordre de son arrestation. Ce ne fut cependant qu'après que je me fus convaincu de l'urgence d'un tel acte que je me décidai à le signer. Au dire du mémorial de Sainte-Hélène, ces paroles seraient échappées à Bonaparte. Le duc d'Enghien se comporta devant le tribunal avec une grande bravoure. À son arrivée à Strasbourg, il m'écrivit une lettre. Cette lettre fut remise à Talleyrand, qui la garda jusqu'à l'exécution. Je crois peu à cette lettre. Napoléon aura transformé en lettre la demande que fit le duc d'Enghien de parler au vainqueur de l'Italie, ou plutôt les quelques lignes exprimant cette demande qu'avant de signer l'interrogatoire prêté devant le capitaine rapporteur, le prince avait tracé de sa propre main. Toutefois, parce que cette lettre ne se retrouverait pas, il ne faudrait pas en conclure rigoureusement qu'elle n'a pas été écrite. « J'ai su, dit le duc de Rovigo, que dans les premiers jours de la Restauration, en 1814, l'un des secrétaires de M. de Talleyrand n'a pas cessé de faire des recherches dans les archives, sous la galerie du muséum. Je tiens ce fait de celui qui a reçu l'ordre de l'y laisser pénétrer. Il en a été fait de même au dépôt de la guerre pour les actes du procès de M. le duc d'Enghien, où il n'est resté que la sentence. Le fait est vrai. Tous les papiers diplomatiques, et notamment la correspondance de M. de Talleyrand avec l'empereur et le premier consul, furent transportés des archives du muséum à l'hôtel de la rue Saint-Florentin. On en détruisit une partie. Le reste fut enfoui dans un poêle où l'on oublia de mettre le feu. La prudence du ministre ne put aller plus loin contre la légèreté du prince. Les documents non brûlés furent retrouvés. Quelqu'un pense les devoir conserver. J'ai tenu dans mes mains et lu de mes yeux une lettre de M. de Talleyrand. Elle est datée du 8 mars 1804 et relative à l'arrestation non encore exécutée de M. le duc d'Enghien. Le ministre invite le premier consul à sévir contre ses ennemis. On ne me permit pas de garder cette lettre. J'en ai retenu seulement ces deux passages. Si la justice oblige de punir rigoureusement, la politique exige de punir sans exception. J'indiquerai au premier consul M. de Caulaincourt, auquel il pourrait donner ses ordres, et qui les exécuterait avec autant de discrétion que de fidélité. Ce rapport du prince de Talleyrand paraîtra-t-il un jour en entier? Je l'ignore, mais ce que je sais, c'est qu'il existait encore il y a 2 ans. Il y eut une délibération du conseil pour l'arrestation du duc d'Enghien. Cambacérès, dans ses mémoires inédits, affirme, et je le crois, qu'il s'opposa à cette arrestation. Mais en racontant ce qu'il dit, il ne dit pas ce qu'on lui répliqua. Du reste, le mémorial de Sainte-Hélène nie les sollicitations en miséricorde auxquelles Bonaparte aurait été exposé. La prétendue scène de Joséphine, demandant à genoux la grâce du duc d'Enghien, s'attachant au pan de l'habit de son mari et se faisant traîner par ce mari inexorable, est une de ces inventions de mélodrame avec lesquelles nos fabliers composent aujourd'hui la véridique histoire. Joséphine ignorait le 19 mars au soir que le duc d'Enghien devait être jugé. Elle le savait seulement arrêté. Elle avait promis à Madame de Rémusat de s'intéresser au sort du prince. Comme celle-ci revenait le 19 au soir à la malmaison avec Joséphine, on s'aperçut que la future impératrice, au lieu d'être uniquement préoccupée des périls du prisonnier de Vincennes, mettait souvent la tête à la portière de sa voiture pour regarder un général mêlé à sa suite. La coquetterie d'une femme avait emporté ailleurs la pensée qui pouvait sauver la vie du duc d'Enghien. Ce ne fut que le 21 mars que Bonaparte dit à sa femme « Le duc d'Enghien est fusillé ». Ces mémoires de Madame de Rémusat, que j'ai connues, étaient extrêmement curieux sur l'intérieur de la cour impériale. L'auteur les a brûlés pendant les 100 jours et ensuite écrit de nouveau. Ce ne sont plus que des souvenirs reproduits par des souvenirs. La couleur est affaiblie. Mais Bonaparte y est toujours montré à nu et jugé avec impartialité. Des hommes attachés à Napoléon disent qu'il ne sut la mort du duc d'Enghien qu'après l'exécution du prince. Ce récit paraîtrait recevoir quelque valeur de l'anecdote rapportée par le duc de Rovigo concernant Réal allant à Vincennes, si cette anecdote était vraie. La mort, une fois arrivée par les intrigues du parti révolutionnaire, Bonaparte reconnut le fait accompli pour ne pas irriter des hommes qu'il croyait puissants. Cette ingénieuse explication n'est pas recevable. En résumant maintenant ces faits, voici ce qu'ils m'ont prouvé. Bonaparte a voulu la mort du duc d'Enghien. Personne ne lui avait fait une condition de cette mort pour monter au trône. Cette condition supposée est une des subtilités des politiques qui prétendent trouver des causes occultes à tout. Cependant, il est probable que certains hommes compromis ne voyaient pas sans plaisir le premier consul se séparer à jamais des Bourbons. Le jugement de Vincennes fut une affaire du tempérament violent de Bonaparte, un accès de froide colère alimenté par les rapports de son ministre. M. de Caulaincourt n'est coupable que d'avoir exécuté l'ordre de l'arrestation. Murat n'a à se reprocher que d'avoir transmis des ordres généraux et de n'avoir pas eu la force de se retirer. Il n'était point à Vincennes pendant le jugement. Le duc de Rovigo s'est trouvé chargé de l'exécution. Il avait probablement un ordre secret. Le général Hulin l'insinue. Quel homme eût osé prendre sur lui de faire exécuter de suite une sentence à mort sur le duc d'Enghien, s'il n'eût agi d'après un mandat impératif? Quant à M. de Talleyrand, prêtre et gentilhomme, il inspira et prépara le meurtre en inquiétant Bonaparte avec insistance. Il craignait le retour de la légitimité. Il serait possible, en recueillant ce que Napoléon a dit à Sainte-Hélène et les lettres que l'évêque d'Autun a écrites, de prouver que celui-ci a pris à la mort du duc d'Enghien une très forte part. Vainement, on objecterait que la légèreté, le caractère et l'éducation du ministre devaient l'éloigner de la violence, que la corruption devait lui ôter l'énergie. Il ne demeurait pas moins constant qu'il a décidé le consul à la fatale arrestation. Cette arrestation du duc d'Enghien, le 15 de mars, n'était pas ignorée de M. de Talleyrand. Il était journellement en rapport avec Bonaparte et conférait avec lui. Pendant l'intervalle qui s'est écoulé entre l'arrestation et l'exécution, M. de Talleyrand, lui, ministre instigateur, s'est-il repenti? A-t-il dit un seul mot au premier consul en faveur du malheureux prince? Il est naturel de croire qu'il a applaudi à l'exécution de la sentence. La commission militaire a jugé le duc d'Enghien, mais avec douleur et repentir. Telle est consciencieusement, impartialement, strictement, la juste part de chacun. Mon sort a été trop lié à cette catastrophe pour que je n'aie pas essayé d'en éclaircir les ténèbres et d'en exposer les détails. Si Bonaparte n'eût pas tué le duc d'Enghien, s'il m'eût de plus en plus rapproché de lui, et son penchant l'y portait, qu'en fût-il résulté pour moi? Ma carrière littéraire était finie. Entré de plein saut dans la carrière politique, où j'ai prouvé ce que j'aurais pu par la guerre d'Espagne, je serais devenu riche et puissant. La France aurait pu gagner à ma réunion avec l'empereur. Moi, j'y aurais perdu. Peut-être serais-je parvenu à maintenir quelques idées de liberté et de modération dans la tête du grand homme. Mais ma vie, rangée parmi celles qu'on appelle heureuses, eût été privée de ce qui en a fait le caractère et l'honneur, la pauvreté, le combat et l'indépendance. Enfin, le principal accusé se lève après tous les autres. Il ferme la marche des pénitents ensanglantés. Supposons qu'un juge fasse comparaître devant lui le nommé Bonaparte, comme le capitaine instructeur fit comparaître devant lui le nommé d'Enghien. Supposons que la minute du dernier interrogatoire, calquée sur le premier, nous reste. Comparez et lisez. À lui demander ses noms et prénoms. A répondu ce nommé Napoléon Bonaparte. À lui demander où il a résidé depuis qu'il est sorti de France. A répondu aux pyramides, à Madrid, à Berlin, à Vienne, à Moscou, à Sainte-Hélène. À lui demander quel rang il occupait dans l'armée, a répondu commandant à l'avant-garde des armées de Dieu. Aucune autre réponse ne sort de la bouche du prévenu. Les divers acteurs de la tragédie se sont mutuellement chargés. Bonaparte seul n'en rejette la faute sur personne. Il conserve sa grandeur sous le poids de la malédiction. Il ne fléchit point la tête et reste debout. Il s'écrie comme le stoïcien, « Douleur, je n'avouerai jamais que tu sois un mal. » Mais ce que dans son orgueil il n'avouera point aux vivants, il est contraint de le confesser aux morts. Ce Prométhée, le vautour au sein, ravisseur du feu céleste, se croyait supérieur à tout. Et il est forcé de répondre au duc d'Enghien qu'il a fait poussière avant le temps. Le squelette, trophée sur lequel il s'est abattu, l'interroge et le domine par une nécessité du ciel. La domesticité et l'armée, l'antichambre et la tente avaient leur représentant à Sainte-Hélène. Un serviteur, estimable par sa fidélité au maître qu'il avait choisi, était venu se placer près de Napoléon comme un écho à son service. La simplicité répétait la fable en lui donnant un accent de sincérité. Bonaparte était la destinée. Comme elle, il trompait dans la forme les esprits fascinés. Mais au fond de ces impostures, on entendait retentir cette vérité inexorable. Je suis, et l'univers en a senti le poids. L'auteur de l'ouvrage le plus accrédité sur Sainte-Hélène expose la théorie qu'inventait Napoléon au profit des meurtriers. L'exilé volontaire tient pour parole d'évangile un homicide bavardage à prétention de profondeur, qui expliquerait seulement la vie de Napoléon telle qu'il voulait l'arranger, et comme il prétendait qu'elle fût écrite. Il laissait ses instructions à ses néophytes. Monsieur le comte de Las Cases apprenait sa leçon sans s'en apercevoir. Le prodigieux captif, errant dans des sentiers solitaires, entraînait après lui, par des mensonges, son crédule adorateur, de même qu'Hercule suspendait les hommes à sa bouche, par des chaînes d'or. « La première fois, dit l'honnête chambellan, que j'entendis Napoléon prononcer le nom du duc d'Enghien, j'en devins rouge d'embarras. Heureusement, je marchais à sa suite, dans un sentier étroit, autrement il n'eût pas manqué de s'en apercevoir. Néanmoins, lorsque pour la première fois l'empereur développa l'ensemble de cet événement, ses détails, ses accessoires, lorsqu'il exposa divers motifs, avec sa logique serrée et lumineuse, entraînante, je dois confesser que l'affaire me semblait prendre à mesure une face nouvelle. L'empereur traitait souvent ce sujet, ce qui m'a servi à remarquer dans sa personne des nuances caractéristiques très prononcées. J'ai pu voir à cette occasion très distinctement en lui et maintes fois l'homme privé se débattant avec l'homme public, et les sentiments naturels de son cœur aux prises avec ceux de sa fierté et de la dignité de sa position. Dans l'abandon de l'intimité, il ne se montrait pas indifférent au sort du malheureux prince, mais sitôt qu'il s'agissait du public, c'était tout autre chose. Un jour, après avoir parlé avec moi du sort et de la jeunesse de l'infortuné, il termina en disant « Et j'ai appris depuis, mon cher, qu'il m'était favorable. On m'a assuré qu'il ne parlait pas de moi sans quelque admiration. Et voilà pourtant la justice distributive d'ici-bas. » Et ces dernières paroles furent dites avec une telle expression, tous les traits de la figure se montraient en telle harmonie avec elle, que si celui que Napoléon plaignait eût été dans ce moment en son pouvoir, je suis bien sûr que quelles que n'eussent été ses intentions ou ses actes, il eût été pardonné avec ardeur. L'empereur avait coutume de considérer cette affaire sous deux rapports très distincts, celui du droit commun ou de la justice établie et celui du droit naturel ou des écarts de la violence. Avec nous et dans l'intimité, l'empereur disait que la faute, au-dedans, pourrait en être attribuée à un excès de zèle, autour de lui, ou à des vues privées, ou enfin à des intrigues mystérieuses. Il disait qu'il avait été poussé inopinément, qu'on avait pour ainsi dire surpris ses idées, précipité ses mesures, enchaîné ses résultats. Assurément, disait-il, si j'eusse été instruit à temps de certaines particularités concernant les opinions et le naturel du prince, si surtout j'avais vu la lettre qu'il m'écrivit et qu'on ne me remit, Dieu sait par quel motif, qu'après qu'il n'était plus, bien certainement j'eusse pardonné. Il nous était aisé de voir que si le cœur et la nature seule dictaient ces paroles à l'empereur et seulement pour nous, car il se serait senti humilié qu'on pût croire un instant qu'il cherchait à se décharger sur autrui ou descendit à se justifier. Sa crainte à cet égard, ou sa susceptibilité, était celle qu'en parlant à des étrangers ou dictant sur ce sujet pour le public, il se restreignait à dire que, s'il eût eu connaissance de la lettre du prince, peut-être lui eût-il fait grâce, vu les grands avantages politiques qu'il en eût pu recueillir. Et, traçant de sa main ses dernières pensées, qu'il suppose devoir être consacrées parmi les contemporains et dans la postérité, il prononce sur ce sujet, qu'il regarde comme un des plus délicats pour sa mémoire, que si c'était à refaire, il le ferait encore. Ce passage, quant à l'écrivain, a tous les caractères de la plus parfaite sincérité. Elle brille jusque dans la phrase où M. le comte de Las Cases déclare que Bonaparte aurait pardonné avec ardeur à un homme qui n'était pas coupable. Mais les théories du chef sont les subtilités à l'aide desquelles on s'efforce de concilier ce qui est inconciliable. En faisant la distinction du droit commun ou de la justice établie et du droit naturel ou des écarts de la violence, Napoléon semblait s'arranger d'un sophisme dont, au fond, il ne s'arrangeait pas. Il ne pouvait soumettre sa conscience de même qu'il avait soumis le monde. Une faiblesse naturelle aux gens supérieurs et aux petites gens, lorsqu'ils ont commis une faute, est de la vouloir faire passer pour l'œuvre du génie ou pour une vaste combinaison que le vulgaire ne peut comprendre. L'orgueil dit ces choses-là, et la sottise les croit. Bonaparte regardait sans doute comme la marque d'un esprit dominateur cette sentence qu'il débitait dans sa componction de grand homme. « Mon cher, voilà pourtant la justice distributive d'ici-bas. attendrissement vraiment philosophique. Quelle impartialité! Comme elle justifie, en le mettant sur le compte du destin, le mal qui est venu de nous-mêmes. On pense tout excuser maintenant lorsqu'on s'est écrié « Que voulez-vous ? C'était ma nature, c'était l'infirmité humaine. » Quand on a tué son père, on répète « Je suis fait comme cela. » Et la foule reste là, bouche béante. Et l'on examine le crâne de cette puissance et l'on reconnaît qu'elle était faite comme cela. Et que m'importe que vous soyez fait comme cela ? Dois-je subir cette façon d'être ? Ce serait un beau chaos dans le monde si tous les hommes qui sont faits comme cela venaient à vouloir s'imposer les uns aux autres. Lorsqu'on ne peut effacer ses erreurs, on les divinise. On fait un dogme de ses torts. On change en religion des sacrilèges. Et l'on se croirait apostat de renoncer au culte de ses iniquités.